L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Fadjet où aujourd'hui je reçois Anthony Humbert-Claude. Bonjour Anthony. Bonjour. Qui est attaché de presse du festival Caméra des Champs qui va fêter cette année sa 23e édition du 19 au 22 mai. Alors Anthony, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour faire découvrir à nos auditeurs un petit peu c'est quoi Caméra des Champs. Caméra des Champs est un festival international du film documentaire sur la ruralité, c'est-à-dire qu'il propose une vingtaine de films documentaires et quelques fictions, parce que D'accord. des fois on s'appuie sur des fictions, afin de créer le débat, c'est-à-dire que la plupart des réalisateurs étant présents au festival, chaque projection est suivie de débats autour du thème abordé par le documentaire avec la salle. D'accord. Donc il y a toujours une interaction entre les spectateurs et le réalisateur. Toujours, toujours. En tout cas, quand on a la chance de les avoir sur place. Sinon, c'est nous qui animons les débats nous-mêmes. Mais on aime bien que ce festival soit un festival citoyen, c'est-à-dire que ça ne soit pas uniquement une salle de diffusion cinématographique, mais quelque chose qui crée le débat aussi. D'accord. Alors, le nom du festival, qui s'appelle Caméra des Champs, moi, quand j'ai regardé la brochure du programme officiel, ça me faisait un peu penser à Rat des Villes et Rat des Champs. Alors, d'où vient ce nom un peu original, Caméra des Champs ? En fait, il est né il y a 24 ans maintenant, puisque c'est la 23e édition. Le Parc Naturel Régional de Lorraine, la commune de Ville-sur-Iron et l'université de Metz, à l'époque, avaient organisé une journée d'études autour du monde rural. Cette journée d'études s'étant très très bien passée, tout le monde s'est dit « mais c'est quand même dommage qu'on ne pérennise pas ça, mais comment on pourrait pérenniser ? Ben pourquoi on ne ferait pas un festival ?» Un festival, c'est à la fois un lieu de rencontre, un lieu de culture, d'échange, etc. Et on s'est dit « oui, mais pas uniquement en passant des films, il faut que la notion de discussion, donc de journée d'études, soit conservée. » Et on s'est dit « ben voilà, on va faire à la fois les caméras, c'est-à-dire le cinéma, et les champs, c'est-à-dire le monde rural, caméra des champs. C'est comme ça que c'est né. En fait, ça vous permet d'avoir plusieurs supports de communication, quelque part, en créant ce festival. Support d'échange, de médiation, de communication, tout à fait, oui. Ok. Alors, après un an de suspension, je crois qu'il n'y a qu'une année où le festival n'a pas pu se dérouler, la fameuse année 2020. Le festival donc propose tout un panel de rencontres, de découvertes et d'échanges, c'est ce que vous disiez. Quels sont les temps forts ou quelques temps forts de ces 4 jours de festival ? Alors, bon, déjà, il y a beaucoup de choses, parce que les documentaires sont des documentaires récents pour la plupart, donc ils abordent tous des thématiques actuelles. C'est-à-dire que la plupart des sujets qui sont abordés par les documentaires qu'on diffuse, et je précise que l'entrée du festival est gratuite. Ça, c'est important. Sont des films documentaires qui puisent dans l'actualité. C'est le principe d'un documentariste, c'est de jeter un regard finalement sur l'actualité, sur ce qui se passe. Donc, parmi les thèmes importants qui sont abordés, eh bien, déjà, il y a un thème qu'on aborde qui s'appelle « Désir de campagne ». C'est un thème qui se pose la question de savoir si, suite au Covid, suite au confinement, il y a eu un phénomène de migration de la ville vers la campagne. Parce que les gens se sont dit « moi, j'en ai un peu marre de rester dans ma ville, dans mon petit appartement, j'ai envie d'un jardin, j'ai envie de grands espaces verts, etc. » Est-ce qu'il y a eu vraiment ce phénomène qui s'est déroulé ? Là, on passe des films en lien avec cette thématique. Il y a des thématiques autour de l'alimentation, de l'agriculture, puisque agriculture, c'est nourrir. Et donc, c'est un thème central, notamment sur la question du manger mieux, qui est un thème qui concerne beaucoup de monde, du bio, mais pas uniquement. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, avec tout le dégradé, du bio, etc., etc., la façon de cultiver. Okay. Tout à fait, il y a aussi des portraits, puisqu'on aime aussi passer des documentaires sur les portraits de femmes, notamment cette année. D'accord. Parce qu'on oublie souvent, on associe peut-être un peu trop facilement l'agriculture, le monde rural à l'homme. Oui. Mais il y a aussi de plus en plus des femmes qui se lancent dans l'agriculture, qui se lancent dans le monde rural. Ou les conjointes d'agriculteurs aussi également, qui travaillent tout autant, qui soutiennent aussi le travail Exactement, de leurs conjoints. C'est une vraie question qui est abordée. C'est pas la première fois qu'on va en parler, mais souvent ça revient quand même dans les documentaires qu'on reçoit. Donc ça, c'est aussi un des thèmes qu'on va aborder. Il y a une autre question centrale qu'on aborde lors d'une grande soirée le samedi soir aussi, c'est la question de l'eau. C'est une question qui est vraiment centrale actuellement. Oui. Et on va passer, là, pour le coup, une fiction et pas un documentaire. D'accord. Mais c'est une fiction qui s'appuie sur la réalité, puisque c'est le film Dark Waters, qui est un film américain. Oui. On est un festival international, ça veut dire qu'on passe des films de partout dans le monde et qui traitent de la question rurale partout dans le monde. Ok. Et pas uniquement dans l'Hexagone. Non, exactement. Okay. Et donc, Dark Waters, c'est, si je vous rappelle un peu le film, c'est un grand avocat new-yorkais qui retourne dans la campagne dont il est originaire parce que un des paysans éleveurs du cru a son bétail qui meurt mystérieusement. Il pense que l'eau est empoisonné par une grande société qui veut peut-être récupérer le terrain ou quelque chose comme ça. Qui déverse en fait des produits dedans, okay. La société Dupont. Et c'est une vraie histoire, donc c'est presque un documentaire quelque part, mais un peu fictionnisé. Et là, on va débattre de la question de l'eau comme bien commun. Ça, c'est le samedi soir. D'accord. Avec la présence d'un enseignant spécialiste en cinéma, parce qu'on va discuter du fond et de la forme. C'est-à-dire qu'on parle de ce que veut dire le film, mais aussi de comment c'est dit. Et donc, c'est important d'avoir des spécialistes en cinéma pour expliquer comment c'est dit. Et toujours en interaction avec les personnes qui auront vu le film. Bien sûr, c'est-à-dire que vous voyez le film et il y a le débat qui suit. Parce que quelquefois, on peut imaginer que ce serait un peu élitiste. Et là, pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Le documentaire a toujours cette réputation d'être un peu aride. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que... Parce que des fois, ça aborde des sujets assez pointus. Donc là, je trouve que le fait de mettre Dark Water, c'est un film qui est quand même assez connu, permet aux gens, parce que des fois, on se dit que ça peut être réservé à une certaine élite qui est très intéressée par le sujet. Et là, apparemment, non. En fait, c'est accessible à tous et à toutes. Complètement. Par exemple, le jeudi soir, on passe un film avec Clovis Cornillac qui s'appelle Les Vétos. Ouais. Alors, Les Vétos, c'est encore une fiction, vous allez me dire, mais oui, mais il s'appuie aussi sur un phénomène qui est réel dans le monde rural, qui est la désertification des vétérinaires. Alors, on parle de la désertification médicale, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins dans la zone rurale, mais c'est le cas aussi pour les vétérinaires, ça touche donc les éleveurs. Et encore, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a moins de vétérinaires, mais il y a surtout moins de vétérinaires spécialisés dans le bétail. C'est-à-dire que vous pouvez encore avoir des vétérinaires pour votre chien ou votre chat, mais alors des vétérinaires qui font des veulages, enfin, qui s'occupent de tout ça, Il y en a de moins en moins. C'est encore plus rare. Ok. Donc, voilà, ça fait partie des thèmes. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, voilà quelques-uns des thèmes. Les grands temps forts. En tout cas, quelques-uns des grands temps forts, mais il y a plein de choses. C'est pas un festival du tout élitiste. D'ailleurs, les documentaires sont très accessibles. Il y a des documentaires sur la lutte aussi. On en a vu un, par exemple, qui va passer pendant le festival, qui s'appelle Vent debout. Vent debout, c'est finalement un documentaire qui se passe en Mayenne, près de Laval. D'accord. Et qui raconte comment un collectif, il y a une vingtaine d'années, s'est opposé, levé contre l'installation d'enfouissement de déchets nucléaires. Ok. Ça rappelle un site qui est un peu plus proche de chez nous, qui s'appelle Bure. Oui. Et c'est exactement la même chose. Et si vous voyez ce documentaire Vent debout, vous verrez que grâce à cette résistance, le plan qui était prévu d'enfouir les déchets en Mayenne a été annulé et qu'il a été mis dans un autre site, en l'occurrence Bure. Ok. Le festival se déroule à Ville-sur-Iron, qui est le village emblématique et riche d'histoire, et qui est aussi le lieu de création du festival. Pourquoi avoir choisi ce village qui a l'air charmant au demeurant? Alors, on vous écoute, Anthony. Dites-nous. En fait, c'est le village qui a choisi le festival, plus exactement. D'accord. C'est pas souvent dans ce sens-là, mais bon, c'est original. C'est un festival qui est porté par, on va dire, 30-40 bénévoles. Mm-hmm. Qui sont en très très grande majorité issus du village. Je rappelle que c'est un petit village de 300 habitants. Donc si vous faites le calcul, on considère qu'il y a à peu près 50% des foyers qui participent au festival. Donc c'est aussi une super aventure humaine. C'est-à-dire que tout le monde se retrousse les manches et on y va, quoi. Chacun apporte sa contribution en fonction de son talent, son envie. C'est ça, vous avez des gens qui font du voiturage, il y en a qui hébergent. C'est-à-dire que je précise que les réalisateurs, les invités sont hébergés chez l'habitant. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel, de toute façon, c'est un petit village. Ou alors c'est beaucoup trop loin, et du coup, c'est pas, en termes organisationnels, ce serait trop compliqué. C'est du très coup. Compliqué, ça coûte aussi plus d'argent. Donc c'est vrai que depuis toujours, le festival a accueilli ses invités chez l'habitant. C'est une des particularités du festival. Donc c'est un festival qui se déroule donc à Ville-sur-Iron, vous l'avez dit, qui est un petit village de 300 habitants, un éco-village, qui possède d'ailleurs depuis quelques mois sa propre centrale solaire. Donc ils ont créé une centrale solaire qui s'appelle Soliron, ils produisent en fait leur propre énergie. Ils sont en autonomie du coup. Ils y aspirent en tout cas, c'était encore très récent, mais bon, c'est un village qui a toujours eu cette faculté à se projeter très avant-gardiste sur plein de choses et très très dynamique. On en parle souvent pour plein de choses. Ils ont par exemple un parcours de découverte autour du village, autour du chemin des quatre horizons. Ils ont refait tout un travail autour du bâti, de la mise en valeur du bâti patrimonial. Il y a ce festival, mais il y a d'autres choses qu'ils font dans l'année. On les voit souvent dans les pages de la presse locale parce que si ou parce que ça. Ouais. Parce qu'ils ont c'est un village fleuri, ils font partie des plus beaux villages lorrains aussi. Donc ils sont en plus hyper dynamiques. Ils sont dynamiques parce qu'ils sont portés finalement par ce tissu de bénévoles. C'est un schéma qu'on peut retrouver dans d'autres communes. Oui, hein, mais c'est vraiment chouette. Voilà. enfin une personne sur deux de ce village qui est bénévole, par exemple, pour ce festival. Moi, je trouve que c'est super chouette. C'est pour ça que ça marche aussi. Ouais. C'est vrai. Alors, dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Anthony, les objectifs de ce festival? Alors, les objectifs, ils sont multiples. Déjà, créer le débat, créer la discussion autour de thèmes d'actualité, oui. C'est-à-dire inviter les gens. La notion de gratuité est très importante parce qu'il n'y a pas la barrière du tarif, du prix pour y aller. On peut venir en famille ou pas? On peut venir en famille. Il y a même des films pour la jeunesse. D'accord. Mais le jeudi. Et le vendredi matin. D'accord. Voilà. Mais il y a une part importante qui est accordée par le festival au jeune public. D'ailleurs, le festival organise chaque année des ateliers avec les écoles du secteur pour créer des courts-métrages. Par exemple, cette année, ils ont travaillé autour du renard, animal nuisible ou pas, finalement, oui. De savoir si, par exemple, le renard était un animal dangereux, nuisible pour la population. C'est la réputation, etc., qu'on lui donne. Voilà. Donc, ils ont fait un petit film de 7 minutes qui sera passé juste avant le palmarès. Donc super pour eux, ça les sort un petit peu des sentiers battus du cursus scolaire, ouais. Et puis ils ont envie, c'est chouette. On passe le film Mystère aussi, le film où c'est l'histoire d'une petite fille qui adopte un chien-loup, on va dire, au départ. D'accord. Et qui s'avère être bien plus que ça, mais je ne vais pas spoiler, mais voilà, donc c'est un film pour le jeune public, et puis on organise derrière des ateliers, voilà. Donc il y a toute une part pour le jeune public qui est façonnée par ce festival. Voilà. Après, selon l'âge que vous avez, c'est clair que tous les films ne sont pas adaptés. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il y a toujours une part pour le très jeune public. Voilà. Donc, on rappelle, Caméra des Champs, ce sera la 23e édition de ce Festival international du film documentaire sur la ruralité qui va se dérouler du 19 au 22 mai à Ville-sur-Iron. Je vous encourage vivement à vous y rendre et à aller découvrir donc toutes ces notions sur la ruralité. Anthony, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau festival et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.